Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Nous sommes mercredi, il est 22h et vous êtes à l'écoute de Prune et c'est l'heure de Boum Boum Mot. C'est Jonas cette semaine qui vous retrouve avec grand plaisir, comme à chaque fois. Et cette semaine, on reçoit le premier passage en solo pour Step Do. Alors Step Do, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un ancien DJ parisien devenu nantais. Et on le connaît bien ici parce qu'il avait son émission Bubble Jam qui nous précédait la saison dernière. Du coup, sur la grille. Hein. Et l'équipe au quasi complète était venue il y a un an, si je ne dis pas de bêtises, un an tout pile, l'équipe de l'émission. Mais là, cette fois, c'est Step Do qui est tout seul avec une magnifique sélection et un super mix. Donc là, on mélange les styles, mais on reste pas mal dans les années 90 pour le plus grand plaisir de Vincent et de moi-même. Alors, les années 90, hein, on le rappelle, hein, c'était l'époque des pulls moches qu'on choisissait pas. Je sais pas si c'est encore aujourd'hui, si les enfants sont maltraités de la même manière en ce moment, mais du coup, c'est quand même une belle décennie. Il y a eu France 98, donc ça, c'est plus pour Vincent. Moi, personnellement, je joue au Lego. Donc voilà, donc on va être dans la nostalgie des années 90, on va voir ce que ça va donner. Et puis, je pense que ça va être une belle émission. On pense très fort à vous, Vincent et moi, et on espère se retrouver en direct, dans les conditions du direct bientôt, et toujours aussi pour des soirées. Et c'est vrai que de croiser les auditeurs... Et même ne serait-ce que les membres des autres émissions, ça nous manque un petit peu. Donc voilà, bon, écoutez, gardez la pêche. Le soleil revient, on est sur l'antenne de Prune. Tout va très bien. Profitez bien de ce mix. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao les petits loups. Thank you. Saigon est une jonte chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé. À l'abri du demi-jour, les lanternes qui se voient sont de petites étoiles et qui pâlissent tour à tour. Mais le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. Le bonheur n'existe pas sur la terre que les lots de mes chimères puissent nous conduire ailleurs, au paradis enchanteur, plein de merveilleux mensonges. Dans l'ivresse de mes songes, j'ai laissé mon cœur. Opium, poison de rêve, fumé qui monte au ciel. C'est toi qui nous aime au paradis artificiel. Je vois

fils, on est les innocents, et larmoyer les vieux parents. Car sur le flanc de cette montagne, on revoit les sombres images et l'on entend les pleurs d'enfants. Nous les hommes de la souffrance, nous les fantômes des nègres morts. Nous les fantômes des nègres morts, nous les ombres de la souffrance, nous sommes les ombres d'antan. Nous revenons et nous partons, et si nos pleurs que porte le vent font écho de monde en monde, c'est afin que nos frères n'oublient pas nos misères. Non, non, non. Là, le roche là, son pétain, où pointant les esprits.

criait depuis longtemps. Yatier, Greenland, Yatier, Snowland, et brise la glace, et brise la glace. Okiwa, Yaka. La glace, et brise la glace. Okiwa.